le bord de ma fenêtre, je regarde ce monde trop bête. Moi je n'ai plus de guette, il est trop pâle. Trop de scandales, toutes ces images qui me troublent. Toute la violence de la foule, c'est la guerre qui couvre. Comment veux-tu que je m'y retrouve? Tout ça, je le réprouve. Je côtoie des gens qui l'approuvent. Le bruit de leur salive dans leur bouche à construire ces paroles qui au plus profond me touchent. Je prends sur moi, je ferme ma bouche, parce que c'est grâce à eux que je bouffe. Alors souvent j'étouffe, souvent j'étouffe au bord de ce monde trop pâle. Je n'ai plus d'idéal, je stagne au bord de ce monde trop fou. Je suis à bout. Alors les jours passent, les semaines coulent, les années se déroulent comme le tapis de la vie. Il est pâle, si paterne comme vie entière de brimade, de conflit et de trouble. Un peu d'amour sans doute, mais si peu ou si peu souvent, qu'à moins que les bombes tombées sur Beyrouth, toute une vie à entendre les mêmes violences, les mêmes folies, les mêmes Beyrouth. À croire que c'est là notre route, pas de doute. Pas de doute, au bord de ce monde trop pâle. Je n'ai plus d'idéal, je stagne au bord de ce monde trop fou. Je suis à bout. Je suis à bout. Je suis à bout. Je suis à bout. Au bord de ce monde trop pâle. Je n'ai plus d'idéal, je stagne au bord de ce monde trop fou. Je suis à bout. Je suis à bout, au bord de ce monde trop pâle. Au bord de ce monde trop pâle. Au bord de ce monde trop pâle. De ce monde trop pâle, au bord de ce monde trop pâle, au bord de ce monde trop pâle.